Bergheidson Finn. En novembre 2011, j'ai eu une apparition d'objets non identifiés de plein jour, juste en face de chez moi. Il était 7h30 et je me suis positionné sur mon balcon, comme mon temps habituel, et à regarder les oiseaux avec ma paire jumelle. Et à un moment donné, je me suis aperçu qu'il y avait 5 objets non identifiés en forme de triangle qui se promenaient au-dessus de la forêt. Donc avec ma paire jumelle, j'ai bien vu. J'ai bien vu ces fameux objets non identifiés. J'ai bien vu la forme, comment ils étaient, quoi. Je dormais quasiment en slip et il était à peu près, on va dire 2h, 2h30 du matin. J'étais réveillé par un bloum, comme quelque chose en fait qui avait cogné un meuble. Et je voyais cette grande ombre en fait qui se dessinait dans la véranda. Une hybride, c'est un croisement génétique entre deux races, donc une mère humaine et un père, si vous voulez, d'origine extraterrestre. Dans mon cas, acturien. Avant de retourner au niveau hybride, les acturiens sont des êtres absolument fantastiques. En fait, ils sont considérés en partie anges et partie extraterrestres. Ils sont très lumineux dans leur façon d'être. Ils viennent de la 5e et 6e dimension. Parce que vous savez, c'est vers là qu'on s'en va. Hein? C'est la 5e. Donc, un soir, je me suis couché comme habituellement dans ma chambre, près de ma femme. Et je ne pourrais pas vous dire à quelle heure ça s'est passé, mais j'ai eu comme une NDE, quoi. J'étais paralysé dans mon lit. Je ne pouvais plus rien faire. J'ai voulu dire à ma femme, qu'est-ce qui m'arrive, quoi, qu'est-ce qui se passe? Je me suis vu aller dans un vaisseau. Je me suis retrouvé dans un vaisseau sur une table chirurgicale couleur argentée. Et deux êtres de 1m80 voire 1m90 pour moi étaient à côté de moi et me disaient n'aie pas peur, on est obligé de te le faire. Donc à ce moment-là, ils m'ont injecté une seringue dans la nuque. Tu vois l'esprit un peu embrumé parce que je venais de me réveiller, je regarde le truc, je fais oula. Donc je vois un grand truc qui se tient dans la véranda. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi, c'est un cambrioleur? Alors t'as moi, ceinture noire, deuxième dan de karaté Kyokushin, je vais faire une tête au carré. Et j'arrive donc dans la salle à manger. Et par terre, en fait, tu vois, au début c'était de la moquette. Et après, dans la salle à manger, tu as du balatum. Donc j'étais pieds nus, du fait que j'étais en slip. Et quand j'ai mis mon pied sur le palatum, j'ai senti le froid me traverser les doigts de pied. Tu vois, je l'ai senti. Que là, je me suis dit, je suis pas en train de rêver. Parce que quand t'es en train de rêver, t'as pas cette sensation-là. Je m'égare un peu parce que quand je parle de mon peuple, l'énergie circule très fort en moi. Donc, ma planète d'origine, en fait, l'étoile d'où on vient, c'est une étoile qui... c'est fantastique. Les couleurs sont beaucoup plus vibrantes. Nous sommes très proches de ce qu'on appelle le grand soleil central. Donc, même les rayons UV, c'est d'une autre qualité. C'est beaucoup plus lumineux. L'atmosphère de la planète est beaucoup plus légère. C'est presque fluide. Nous avons des montagnes un peu comme... Ça ressemble un peu comme la Terre, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Ils m'ont repositionné au même endroit après dans mon lit. Voilà quoi. Le matin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai rêvé? Ça me paraissait tellement réel. J'étais dans ma salle de bain, je me suis regardé la nuque avec de glace, et qu'est-ce que j'ai vu? Ces fameuses marques triangulaires dans la nuque. Donc, par la suite, j'ai appelé le groupe Ufologie de Rouen, donc Marc Gray. Et là, j'ai pu mieux voir l'ombre. C'était grand, très grand. Ça avait les membres très fins, très longs. Et là, je me suis dit, attends, il y a un truc qui cloche là. Franchement, il y a quelque chose qui va pas. Soit le mec a une maladie génétique extrêmement rare, soit c'est quelque chose que je connais pas. Parce que je voyais un peu mieux l'ombre, mais je voyais à sa morphologie, il y avait quelque chose, c'était pas humain. Et je me suis avancé, et arrivé en fait devant la porte qui donne dans la véranda de la cuisine, j'ai mis un coup de pied dans la porte pour l'impressionner. Et là, quand je me suis retrouvé face à face avec ça, je connais pas meilleure expression, c'est que d'avoir ses testicules dans les godasses. Et de ça, pas tellement longtemps, je vous dirais après quelques mois de ça, je me réveille en pleine nuit, puis je peux savoir, je peux sentir qu'au niveau atmosphérique, c'est fluide autour de moi. Je suis clairement que je ne suis pas dans ma chambre et je ne suis plus sur Terre. Parce que quand je suis sur Terre, j'ai la difficulté à respirer. Et mes muscles me font mal à tous les jours parce que je pourrais sentir la pression atmosphérique. Quand je me suis réveillée cette fois-là, au niveau musculaire ou même au niveau respiratoire, j'étais à ma pleine capacité, ce qui est extrêmement rare pour moi. La façon que je me déplaçais, c'était... Je ne peux pas vous dire que je flottais, ce serait exagéré, mais... C'était une impression de flotter, parce que c'est tellement fluide, tellement léger, que je savais très, très bien que j'étais à bord. Alors, j'ai commencé à explorer, puis ils sont très malins dans leur façon de faire, parce qu'ils vont reproduire les détails de ma chambre, sauf qu'ils ne sont pas très habiles avec les détails physiques, donc il y a certains petits détails qui vont manquer. Ah, pardon. Désolée, mon téléphone vient de sonner. Vous savez, hein, c'est la synchronicité à son meilleur. Hein? Ce thème musical-là, c'est le thème musical de mon téléphone et il sonne au moment où je décris le vaisseau mère de mon père acturien. Hein? C'est vraiment leur façon de dire bonjour. C'est pas la première fois qu'ils font ça, je peux vous le dire. Parce que mon téléphone était sur silence. J'avais tourné la sonnerie sur niveau silence, puis il a décidé de sonner quand même, alors je peux vous dire. Sur les écrans, il y a de la fumée. Tout est en chute, tout est en chute, tout Raquette à clé dans les maquis par une équipe de Super Bowl. Question de traçabilité pour éviter les ventes forcées. Les rois du sport quittent le terrain pour être fichés sur les ronds-points, les loups soufflants, les cochons gras rendant hommage aux imbrigus. Les réalités de faits se multiplient, brûlent les conduits sous surveillance, feu contre feu. Pour prendre en main la catastrophe, vapeur toxique sur zone, diarrhée sanglante aux supérettes. Le réveil ne va pas être facile, près dans les yeux lacrymogènes. Respublica privatisée, Respublica privatisée, Respublica privatisée, Respublico provotoso. La vie se cloche dans le brouillard, renard scotché sous les pleins phares, le sang acide qui nique les chromes, radioactive nos chromosomes. La chose publique se condense jusqu'à atteindre un certain poids, le poids devient overprésent, overprésent, overprésent. Tout est en chit, tout est en chit, tout est en chit, tout est en chit, tout est en chit, tout est en chit, tout est en chit, tout est en chit, tout est en chit, tout est en chit, tout est en chit, tout. Les machines à fumer s'emballent, se noient sous les liquidités. Grand cri de joie, y a rien à faire, juste empêcher qu'elle remonte à la surface. Juste empêcher qu'elle remonte à la surface. Juste empêcher qu'elle remonte à la surface. Tout est en shit, tout est en shit, tout est en shit, tout est en shit, tout est en shit, tout est en shit, tout est en shit, tout est en shit, tout est en shit, tout est en shit, tout. Et les menaces, hey, oui, moi tu crois d'accord. Et vous l'idée d'être défaillonnat, Nadara va vos vocats, pour le bobaka, et les menaces. Sinon je vais quoi d'accord, moi voilà le copé des règneurs. Obanga, bingi, betu yuga, bingi, betu yuga. Mon nom comme Sanyu, mon nom comme Sanyu, bingi, betu kola, bingi, betu kola. Mon nom de travail est au bout d'un monde, mais y'a un mouet, bébé, tu kola. Mon nom de travail est au bout d'un monde, bandi, pas comme mec, les anganes, bien, mais vous êtes qui les a, on nous s'accorde, on a codine, on va en déquer. Ma boboca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca, au boca. Yes, autant de temps pour là, pour l'empolo yingi de chitimba, m'kusoko vikolo nyumira, de big weda webo membera, et bida gala la gala, puto bwenyene, abadiko de sangamba, bodi mokabi, bifuse bivateli bunyama wanga, la bombule mbego guguao, abana abadi abageza badi, no kumanyo basanga butabika, et bitu biwe yigidiza, okutuko buku kontrolinga, obongo bongo amogaso nyopi obusa, mobivusa nyao, et bida gala la gala, bikubabi ugura, te wali de dala. Oyo yeke chita kusa, okula cheche chigwa boza, yoko mafi kuwa yoko boku yoya, kogula mwa uburi umatiga. Oyo yeke chita kusa, okula cheche chigwa boza, yoko mafi kuwa yoko boku dunia, kogula mwa uburi kubange bintu ya vyo vyo kubwa, bifuga bituma, Et puis tu es bien pour voir. Mais ma bébé colle te vaut coca. Oula oula. Bien wale. Mon beau coca. Te vaut coca. We'll be right back. In many a time, in many a land, with many a gun, in many a hand, they came by the night, they came by the day, they came with their guns to take us away, with a knock on the door, a knock on the door. Here they come to take one more. In the stone Colosseum, the crowd gave a roar, and it all began with a knock on the door. Just a knock on the door, a knock on the door. Here they come to take one more. Reached modern times, the Nazis have come with their Nazi war crimes. The power was there, the power was found. Millions of people heard the same sound, that old knock on the door, the knock on the door. Here they come to take one more, one more. Changed, but the knock It's the same on the Soviet shores, with right on their side. Does anyone know how many have died with that knock on the door? The knock on the door. Here they come to take one more. Look over the land, look over the leaders with blood on their hands. Open your eyes, see what they do when they knock over their friend. They're knocking for you with their knock on the door. The knock on the door. Here they come to take one more with their knock on the door. The knock on the door. Here they come to take. The sand short. caché, moi je m'en fous, je veux dire que je suis un malvoyant. Non, je pas garder à eux, les bains qui me tiennent dans ta conscience. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. bois. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. C'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix, c'est la voix. Ça va, ça va, c'est la voix. Ça va, ça va, c'est la voix. Ça va, ça va, c'est la voix. Ça va, ça va, c'est la voix. Sans faire du mal, ou bien qui est tombé, qui est bâti. Waouh, waouh, qui est en France, Jodia. Jodia, ma fille, au fait là. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit comme ça? Eh, mon cas, son jeu, qu'est-ce qu'on dit? Songez, songez, maillot, c'est le temps, portez-monnaie, ok, ouais, jouez avec Tony Chasseur, Stony, Lauriane Zachary, Sidney, Anthony Drou, Tim, Seb, Rastana, tous les stars entiers. T'as fouillé toute leur nuit. Que qu'a des tout, qu'a des journaux là. Monsieur de la housse. Qu'a tout meilleur. L'ornina ça, en cafféret. Qu'a fait chanter vers, et vers, avec Alistair Guioni. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. T'a fait tout pitié là. Bon bagaille! Bon bagaille à tout! T'as coûté qu'à ça! Je suis Mberwa, Bertrand de Varieux, Jean-Philippe Martelly, Georges Décimus! Oulala! Wow! Aïsos, Lila! Caméras sont tout vite là! Cafouillés, ils ont tout bite!